Coûter se dit kosten. On a un accent circonflexe en français qui est en fait un ancien S dans bon nombre de langues indo-européennes. Eh bien, ce S est resté en allemand dans kosten. K-O-S-T-E-N. Et cela coûte se dit es kostet. Es kostet. Avec un E entre les deux T, parce que si on suivait la règle habituelle et si on remplaçait simplement le EN à la fin de l'infinitif par T, ça donnerait es kostet, ce qui serait bien difficile à prononcer. Alors, comment dit-on cela coûte? Es kostet. Es kostet. Es kostet. Es kostet. Oui, kosten devient kostet. Et on prononce bien toute la syllabe. Kostet, es kostet. Donc, comment dirait-on « je veux savoir combien cela coûte » Je veux savoir. Ich will wissen. Ich will wissen. Comment dit-on combien? Combien de fils? Littéralement, comment beaucoup? Wie viel? Wie viel? Bien. Wie viel? Cela coûte? Es kostet? Bien. Ich will wissen, wie viel es kostet. Et maintenant, je voudrais, j'aimerais savoir combien ça coûte. J'aimerais. Ich möchte. Ich möchte, oui. J'aimerais savoir. Ich möchte wissen. Combien? Wie viel? Ça coûte. Es kostet. Bien. Ich möchte wissen, wie viel es kostet. Et dites-moi combien ça coûte, s'il vous plaît. Sagen Sie mich. Attention, dites-moi à moi. Sagen Sie mir. Bien. Sagen Sie mir. Combien ça coûte? Wie viel es kostet? Wie viel es kostet? Oui, s'il vous plaît. Bitte. Bien. Sagen Sie mir bitte, wie viel es kostet. Car j'en ai besoin. Car j'ai besoin de ça. Denn. Denn. J'en ai besoin. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de, vous savez, ça a à voir avec fumer, avec rauchen. Il suffit juste d'ajouter une lettre devant. Ich brauche. Ich brauche, oui. J'en ai besoin, j'ai besoin de cela. Es. Bien. Denn ich brauche es. Et parce que je veux l'avoir. Weil. Bien. Je veux l'avoir. Ich es haben will. Bien, très bien. Redites-le. Weil ich es. Weil ich es haben will. Haben will. Haben will. Weil ich es haben will. Weil ich es haben will. Encore une fois? Weil ich es haben will. Weil ich es haben will. Oui. Vous pouvez aussi dire parce que je voudrais l'avoir. Parce que j'aimerais l'avoir. Weil ich es haben möchte. Ou vous pouvez dire parce que je dois l'avoir. À vous. Avec weil. Weil ich es haben müsse. Non, ce n'est pas müsse, mais muss. Je dois apporter la mousse au chocolat. Mousse. Oui. Wir müssen, sie müssen. Mais pour le singulier, c'est seulement muss. Donc, parce que je dois l'avoir. Weil ich es haben muss. Oui. Weil ich es haben muss. Quand pouvez-vous me l'apporter? Wann können Sie mir bringen? Me l'apporter. M'apporter cela? Wann können Sie es mir bringen? Wann können Sie es mir bringen?